Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL de 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va se mettre un peu de lumière dans les yeux en levant les yeux au ciel. Et on va voir que les objets les plus lumineux ne sont pas nécessairement le soleil. On va parler de tout ça, on va décortiquer lumière, brillance, luminosité avec l'astrophysicien Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bon début de soirée, Valérie. Alors, Jean-René, peut-être, bon, on parle de luminosité, d'objets plus ou moins brillants, mais en fait, dans le ciel, il y a des objets qui brillent en émettant de la lumière, comme le soleil, et il y a des objets qui brillent, mais qui n'émettent pas forcément de lumière, comme la Lune, par exemple. Exactement, la Lune est un réflecteur, un peu comme un miroir, très mauvais miroir parce que sa réflectivité correspond à celle de l'asphalte. Ah ouais. On peut voir un objet qui reflète beaucoup mieux sa lumière par son atmosphère, c'est Vénus, on va y revenir. Donc, la plupart des objets qu'on voit dans l'univers, on les voit parce qu'ils émettent de la lumière eux-mêmes. Ce sont des sources d'énergie par réaction nucléaire, souvent, ou par d'autres mécanismes plus complexes, comme les trous noirs, mais ce sont des sources d'énergie. Proche de nous, et vous y faites allusion, la Lune, et il y a aussi toutes les planètes qui émettent un peu de lumière parce qu'elles sont à une température de quelques centaines de degrés. La seule planète qui émet vraiment de l'énergie, c'est Jupiter, qui est encore en train de se contracter lentement, qui est une source infrarouge, et aussi qui émet beaucoup de rayonnements électromagnétiques qui produit sur la planète même des aurores polaires, comme fameuses aurores polaires, boréales ou australes. Mais principalement, les astres émettent de la lumière par leur température de quelques milliers de degrés. C'est finalement les étoiles. Et l'étoile la plus brillante du ciel, c'est le Soleil. Mais parce qu'elle est proche de nous, mais Parce peut-être qu'il y a qu'elle est des proche de étoiles nous. plus brillantes qui sont tellement éloignées qu'elles ne nous paraissent pas très lumineuses, peut-être? Exactement. Donc, ce qui fait qu'en astronomie, on fait une distinction entre deux concepts. On parle de brillance. Donc, la brillance, c'est le nombre de photons qu'on reçoit, nous, par centimètre carré, par mètre carré. Comme le Soleil, on reçoit à peu près 700 watts par mètre carré. Évidemment, une étoile peut être, il y a des étoiles, et on va en parler, beaucoup plus lumineuses que le Soleil. Comme l'étoile la plus brillante, la seconde étoile la plus brillante dans le ciel, elle est visible de ce temps-ci, c'est l'étoile bleue qu'on appelle Sirius. Donc, l'étoile Sirius est intrinsèquement 25 fois plus lumineuse que le Soleil. Donc, on distingue luminosité, l'énergie générée à la source, et la brillance, l'énergie reçue par nous sur Terre. Donc, l'étoile la plus brillante dans le ciel, c'est Vénus, mais l'étoile la plus brillante dans l'univers, on y reviendra, elle est très, très lointaine. Donc, ce concept est important à distinguer. Les astronomes le font communément et Donc il y ça a la nous permet lumière, il y a la luminosité donc qui revient de intrinsèque à la, c'est l'objet. ça, qui vient de l'énergie produite par le corps céleste, et il y a la brillance, ce que nous on perçoit, ce qui arrive, ce qui parvient jusqu'à nous et qu'on perçoit. C'est ça. Donc, évidemment, ce sera le but de la partie ultérieure de notre entretien. Il y a des objets qui nous paraissent très faibles, même qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont des milliards, des dizaines de milliards de fois plus brillants que le Soleil. Donc, le Soleil, comme tel, est plus brillant. J'ai mentionné que par rapport à l'étoile, la seconde étoile la plus brillante dans le ciel, Sirius, donc le Soleil est à peu près, nous paraît à peu près 20 milliards de fois plus brillant que Sirius, mais intrinsèquement, Sirius est 25 fois plus lumineuse. Donc, voilà la distinction. Ah Et oui. Sirius n'est pas très lointaine. Elle est à peu près à 8 années-lumière de nous. Donc, elle est brillante dans le ciel, à la fois par sa luminosité intrinsèque relativement élevée et aussi par le fait qu'elle est rapprochée. Donc, rappelez-vous que justement, la brillance, c'est-à-dire le nombre de photons qu'on reçoit d'un objet, diminue avec le carré de la distance. Donc, un objet 10 fois plus distant, on en reçoit 10 fois moins de photons. Donc, il nous paraît 100 fois moins brillant. Mais ils vont Mais où les photons qui ne nous... intrinsèquement, toujours aussi lumineux. Ils vont où les photons qui ne nous arrivent pas? Partout dans l'univers. Ah, mais ils Donc, dévient? Dévient de leur trajectoire? non, pas du tout. Ils se dispersent en ligne droite. Les photons voyagent en ligne Bah, droite, ouais. sauf lorsque des champs gravitationnels très, très forts. Donc, les autres, donc, si on passe aux autres objets brillants dans le ciel, j'ai mentionné brièvement Vénus, qui est très brillante, et Vénus, sa brillance varie selon la distance relative entre le Soleil et Vénus. De ce temps-ci, Vénus est à peu près à son plus brillant. Ouais, Et j'ai l'impression que elle est énorme en ce moment, j'ai l'impression. oui, elle est d'ailleurs, elle est juste à peine d'un diamètre que l'œil pourrait percevoir. Avec une bonne jumelle, on voit le croissant de ce temps-ci, le croissant de Vénus. Mais rappelez-vous que le Vénus est 100 millions de fois moins brillante que le Soleil, même à son point le plus brillant de sa position dans le ciel, comme on l'a maintenant. Ensuite, l'autre planète qui est un peu moins brillante, c'est Jupiter, qui est aussi visible dans le ciel. On la voit à peu près aussi brillante, peut-être un peu plus que Sirius à l'heure actuelle. Donc, il y a des objets profs qui sont relativement brillants. Les planètes, les trois, en gros, les plus brillantes, dépendant de leur position, sont Vénus, la plus brillante, en suivie par Jupiter et ensuite Mars. Les autres, par leur distance, même si elles sont assez considérables en dimension, par leur distance, nous paraissent beaucoup moins brillantes. Mais Jean-René, avant de voir quels sont les autres objets brillants dans le ciel, en fait, j'ai envie de savoir comment on mesure la luminosité d'une étoile ou la brillance, vu que ce sont deux quantités différentes. Comment on les mesure, en fait? Donc, c'est une discipline de l'astronomie qu'on appelle la photométrie. Donc, en fait, la plus vieille méthode de mesurer combien d'énergie, c'est fait en commençant par mesurer l'énergie qu'on reçoit du Soleil, qu'on appelle finalement la constante solaire, ce 700 watts par mètre carré en moyenne. Et ça s'est fait au 19e siècle. Et on le fait à partir des sommets de montagne pour diminuer l'impact de l'atmosphère. Il faut apporter des corrections. Et on le fait avec des calorimètres à l'époque. Donc, on calculait, on avait un certain volume d'eau et on regardait le temps que ça prenait pour monter la température de l'eau d'à peu près 1 degré. Et vu qu'on connaît la chaleur spécifique de l'eau, hein, avec des sources terrestres et tout, on pouvait en quelque sorte dériver combien d'énergie nous arrivait sur Terre. Connaissant la distance du Soleil, on mettait ça comme en fonction du carré de la distance qui atténue le signal. Donc, ça a été ça pendant longtemps. Et dès le début du 20e siècle, avec l'arrivée de l'électricité, d'un peu d'électronique, on a commencé à détecter et à mesurer par photométrie la technique. Il permet le nombre de photons qui arrivent des étoiles en utilisant des télescopes et des petits détecteurs qui peuvent mesurer exactement le nombre de photons qui arrivent par seconde. Donc, c'est une technique standard qui existe depuis plus de 100 ans qu'on utilise au télescope. On peut le faire de même, non seulement pour les objets qu'on voit avec l'œil, mais aussi parce que on ne perçoit qu'une petite partie du spectre électromagnétique, on peut aussi observer à d'autres longueurs d'onde. On peut revenir au sujet d'ailleurs. Mais donc, ça veut dire qu'avec ces, quand on mesure la quantité de photons qui nous parvient d'un objet céleste, on mesure la brillance, on ne mesure pas sa luminosité intrinsèque. Exactement. On Donc, mesure comment la après on déduit la luminosité intrinsèque? brillance. Donc, il fallait mesurer la distance aux étoiles. Donc, déjà, ça aussi, vers les années 1830, on était capable de mesurer directement la distance des étoiles par triangulation. Donc, la position apparente d'une étoile dans le ciel, disons, au 1er juin versus le 1er décembre, vu que la Terre se déplace, les étoiles les plus proches paraissent un peu se déplacer par rapport aux étoiles plus lointaines. Donc, triangulation, on a la base géométrique, qui est la dimension de l'orbite terrestre, et un angle qu'on mesure par rapport au fond étoilé. Et on a fait les premières mesures de distance de cette manière. Donc, connaissant le nombre de photons par photométrie, connaissant la La distance, distance. on peut dériver la luminosité intrinsèque de l'objet. D'accord. Donc, continuons notre voyage dans l'univers à la découverte des objets les plus lumineux, les plus brillants. Puis je me dis, bah, il y a peut-être pas que les étoiles d'ailleurs qui sont brillantes. Quand si on parle des galaxies ou des nébuleuses, est-ce qu'on ça brille aussi? Oui, donc souvent, bon, évidemment, les galaxies, elles sont des ensembles de milliards d'étoiles, mais encore une fois, elles vont nous paraître comme simplement des taches diffuses, étant donné leur distance. Donc, c'est toujours le 1 sur R carré qui entre en jeu. Donc, ces milliards de soleils vont nous paraître comme une petite tache diffuse. Non pas parce que les étoiles sont moins brillantes, pas du tout, elles sont aussi brillantes et parfois on en trouve des beaucoup plus brillantes. Le Soleil n'étant qu'une étoile moyenne en masse et en luminosité. Donc les galaxies comme telles nous paraissent très peu lumineuses et à l'œil nu, on ne peut voir en hémisphère nord que deux galaxies, difficilement visibles à l'œil nu. Il faut des sites assez noirs, donc loin des villes. Et favorisé par l'absence de la Lune, qui est un objet aussi pas mal brillant dans le ciel. Donc, en effet, les grands ensembles d'étoiles, ils sont toujours là, nous paraissent peu lumineux à cause de la distance. Mais avant d'aller aux objets comme ça lointains, j'aimerais tout de même revenir à Valérie sur la question que nous, on ne voit qu'une partie du spectre électromagnétique, mais le ciel, il y a des astres qui émettent aussi dans d'autres longueurs d'onde, dans l'ultraviolet, dans des rayons X, dans les ondes radio, qui étaient peut-être la première portion du spectre électromagnétique qui a été explorée dans les années 1930. Donc, dans le ciel, si vous étiez sensible aux ondes radio, en gros des ondes comme les micro-ondes, comme des ondes un peu plus longues, des ondes métriques de longueur d'onde, l'objet le plus brillant, en fait, ne serait pas le Soleil, sauf quand le Soleil a des éruptions. L'objet le plus brillant, c'est un restant d'une étoile qui a explosé en 1572, qui est dans la constellation de Cassiopée. Donc, qui est à une distance de l'ordre de 11 000 années-lumière, 11 000 années-lumière, donc relativement lointaine. Dans notre galaxie, il y a un diamètre à peu près de 100 000 années-lumière. Donc, ce reste de supernova n'est pas un objet très, très proche, mais c'est l'objet, si nous étions sensibles aux longueurs d'onde radio, ce serait en quelque sorte notre soleil radio Ah dans oui. le ciel. Ah, Donc, et là, on mesure quoi? On mesure les photons aussi? oui, on mesure toujours les photons. On OK. mesure toujours la quantité d'énergie. On mesure une énergie électrique qui arrive, qu'on code et qu'on détecte et dont on va mesurer Donc l'intensité. même dans les ondes radio, on est quand Oui. même capable de percevoir, de recevoir les photons émis par le reste de cette supernova. Et c'est ce qui est le plus brillant alors. Absolument. Et on mesure ça, on peut mettre ça en unité toute simple, là, c'est des watts par seconde. Pas des watts par seconde, des watts par mètre carré. Ouais, Parce que des d'accord. watts, ce sont des joules par seconde. Donc des watts, on est toujours dans cette unité de base. On lui donne des noms différents. Donc, en astronomie optique, on parle de magnitude. Ah. C'est un peu une unité un peu complexe là, qui embête toujours les gens. Mais dans les ondes radio, on parle d'une unité, on a donné le nom d'un astronome qui est le premier à avoir détecté le signal radio du ciel, Carl Chansky, un ingénieur américain qui travaillait pour les laboratoires de Bell pour essayer d'optimiser les communications radio alors qu'on commençait à faire de la transmission d'ondes radio. On connaissait déjà les ondes radio, mais on voulait les utiliser pour communiquer. Et il a par hasard découvert qu'on recevait des ondes électromagnétiques sous forme d'ondes radio autres que la lumière. Le Jansky, c'est une unité, mais au fond, ça revient à des watts par mètre carré. Ouais, c'est ça, donc des watts par unité de surface. Donc là, C'est ça, ça. c'est dans les ondes radio. Alors, il y a aussi des corps qui sont brillants dans le domaine des rayons X, dans le domaine des rayons Absolument. gamma. Oui, donc dans le domaine, si votre œil était sensible aux rayons X, l'objet le plus brillant pourrait être le Soleil lorsqu'il a ses éruptions de temps à autre, comme on est en période de cycle d'activité solaire intense. Mais en moyenne, l'objet en rayons X les plus brillants, le Soleil rayon X, entre guillemets, de notre ciel, c'est une étoile à neutrons qui est à 9 000 années-lumière, qui est située dans la constellation du Scorpion. Donc, c'est un vestige d'étoile dont les couches extérieures ont été épluchées par éjection sous forme novae, pas aussi violent que le cas précédent qui a donné la source radio la plus brillante du ciel, Cassiopée A. Ici, c'est un petit objet, la grosseur du Mont Sainte-Anne à peu près, d'une étoile à neutrons très, très dense avec un champ magnétique très, très puissant et qui produit des rayons X par des mécanismes un peu particuliers. Donc, ciel qui serait très différent si nous étions sensibles aux rayons X et d'autant plus qu'on ne verrait pas, même si nous étions sensibles aux rayons X, on ne verrait pas de la surface de la Terre parce que, heureusement, l'atmosphère terrestre nous protège, bloque ces rayons X. Et il faut avoir des observatoires satellitaires en orbite autour de la Terre pour observer le ciel en rayon X. Donc ça, c'est une étoile à neutrons, donc elle émet bon, de l'énergie. Qu'est-ce qui se Oui, passe? elle émet des ondes radio aussi, Ouais. mais elle n'émet pas dans le visible. Tout est dans des drôles de mécanismes là, qui ne sont pas les mécanismes familiers qu'on connaît comme chauffage d'une source qui émet de la lumière, etc. et tout. Ce sont plutôt des systèmes où il y a interaction d'émission de particules accélérées dans des champs magnétiques. C'est un peu comme des super accélérateurs de particules qui sont autonomes, qui fonctionnent, mais ce sont à l'échelle d'astres, entre guillemets, qui produisent ce rayonnement un peu ésotérique, entre guillemets, par rapport à la perception courante. Mais si je me souviens bien, une étoile à neutrons, c'est une étoile en fin de vie. Oui, en fait, appeler ça une étoile, ce n'est pas une étoile, en fait, c'est une fin de vie, sauf que l'étoile à neutrons a pratiquement une vie éternelle. Donc, c'est une matière qui s'est littéralement effondrée sur elle-même. Ça peut être le produit d'une étoile, d'une explosion de supernova. Donc, c'est un corps d'à peu près une dizaine de kilomètres de diamètre. Donc, gros comme le Mont Sainte-Anne pour les gens de la région de Québec, pour faire la dimension, mais dont la masse est peut-être encore plus grande que celle du Soleil. Donc, vous pouvez imaginer la densité absolument colossale de cet objet. Et vous pouvez l'imaginer comme étant un aimant très, très impact. La densité très grande, c'est tous les neutrons sont collés l'un sur l'autre. C'est comme si vous aviez un noyau d'atomes de 10 km de diamètre. Donc, Ouais, c'est toute la masse et c'est une structure de matière avec champ magnétique qui a des propriétés absolument extraordinaires. Et entre autres, qui est source de processus énergétiques qui nous donne ces flashs, entre guillemets, de rayons X. C'est assez vertigineux de penser ces objets-là. Et après, si on se met dans donc dans la partie du spectre des rayons gamma, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, ben là, c'est encore plus extrême. D'ailleurs, on ne connaît pas tout à fait la source. Les rayons gamma sont les plus énergétiques. On parle en énergie pour les physiciens de millions d'électrons-volts, c'est les types d'énergie qui se produisent lorsqu'il y a des réactions nucléaires. Donc, les sources de rayons gamma, on les attribue à des espèces de phénomènes, d'objets comme les étoiles à neutrons, très compacts, mais de plus grande masse. Probablement, c'est une phase où l'objet se transforme en trou noir, quelque chose comme ça. Donc, ce sont les rayons les plus énergétiques. Et eux, on ne connaît pas de source continue de rayons gamma, alors que les autres sont des sources continues, dans le sens, ça peut être des flashs récurrents. Mais les rayons gamma, c'est tellement d'énergie, c'est souvent des événements explosifs, reliés à des effondrements, d'explosions, etc. Donc, de temps à autre, on observe ces flashs qu'on appelle sursauts de rayons gamma. Donc, on les donne des noms bizarres, GRB, Gamma Ray Burst, avec la date où on les a détectés. Donc, on en détecte plusieurs dizaines par année à l'aide de satellites, encore une fois, qui sont en orbite, parce que les rayons gamma n'arrivent pas directement à la Terre, quoiqu'ils peuvent provoquer des événements de rayons cosmiques en frappant la haute atmosphère. Et quand ils surviennent, ces sursauts gamma, est-ce qu'ils surviennent à des endroits différents dans l'univers ou c'est un même endroit qui sporadiquement émet un Non. sursaut? C'est des sursauts qui ne sont pas répétitifs. Donc, c'est pour ça qu'on les attribue à des événements plutôt catastrophiques, Ah. d'effondrement d'un objet. Et on les détecte au hasard, un peu partout dans l'univers, mais toujours parce qu'ils sont très lumineux, très rares. Ils proviennent d'objets. On peut déterminer les distances de l'ordre du milliard d'années-lumière. Donc, on est vraiment hors du domaine de la Voie lactée. Ah oui, c'est vraiment loin. Et est-ce qu'il y a d'autres, en terminant, est-ce qu'il y a d'autres objets qui sont extrêmes dans leur luminosité dans l'univers? Oui, il y a, et là c'est plus embêtant, on reçoit de temps en temps des particules de très hautes énergies. Un proton, par exemple, qui nous arrive et on commence à identifier certaines sources qui seraient reliées à des noyaux de galaxies, qu'on appelle aussi quasars, qui abritent des trous noirs très, très massifs de milliards de fois la masse du Soleil. Donc, on observe de temps à autre, il y a des observatoires qui détectent finalement ces particules qui arrivent de très hautes énergies. On va les détecter sous forme d'une gerbe de toutes sortes d'autres particules créées en frappant l'atmosphère par le proton initial, par exemple, et qui vont finalement irradier une surface de plusieurs dizaines de kilomètres carrés d'un paquet d'autres particules subatomiques, des mesons, des électrons, d'autres protons, etc. et tout, et qu'on peut détecter parce que même eux vont en quelque sorte frappés par le proton initial, se propager à des vitesses de l'ordre de la vitesse de la lumière, et ils vont produire des petits flashs lumineux dans des gros bassins d'eau ou Ah dans oui. des endroits avec des détecteurs, comme dans la Méditerranée ou comme au lac Baïkal en Russie, où on a installé des systèmes de détecteurs pour détecter ce type de particules. Donc, ça, ce sont vraiment des événements particuliers parce que ce sont des particules individuelles de très, très hautes énergies qu'on reçoit. C'est comme Ah une oui. balle de fusil absolument extraordinaire, Ah c'est une bulle oui. qui nous arrive des confins de l'univers. Et si on parle du fond diffus cosmologique, parce que là, on a l'impression par contre que c'est tellement diffus qu'il n'est pas lumineux, mais est-ce que c'est quand même une luminosité qu'on peut détecter? Oui, donc le fond lumineux cosmologique, c'est le restant des événements au début de notre univers, selon le modèle standard du Big Bang. Donc, c'est un fond, c'est une chaleur fossile qui nous vient d'une époque quand l'univers, qui était en expansion, avait une température de l'ordre de 5000 degrés. Et il y a eu un découplage et cette radiation, c'est comme le feu du foyer s'est éteint à ce moment-là, mais il y a une chaleur rémanente qui reste, qui rentre l'hiver. Et c'est quand on essaie de sommer toute l'énergie qu'il y a dans l'univers, c'est ce fond de photons de très basse énergie qu'on observe dans les micro-ondes qui constitue le réservoir d'énergie le plus considérable de tout l'univers, plus que toutes les étoiles, Ah plus oui. que tout ce qu'on peut imaginer. Ah Mais oui, mais il est tellement c'est éparpillé, tellement diffus qu'on a peut-être plus de, on a de, en tout cas, on le voit pas. En tout cas, manifestement, on le voit on le pas. détecte, on le détecte dans les ondes radio très Ouais. aisément, entre Ah guillemets. oui. Oui. Ok. D'accord. Bah, c'est un tour très original de l'univers que vous nous avez fait, Jean-René. Il n'y a pas que le soleil qui brille dans le ciel. Évidemment, on le sait bien. Et c'est pas le plus brillant. C'est pas l'objet le plus lumineux, on va dire. Exactement, mais on est relativement bien placé. Il nous maintient bien au chaud et bien éclairé. Voilà. Alors, merci beaucoup, Jean-René, pour cette visite lumineuse de notre univers. Je rappelle que nous étions en compagnie de l'astrophysicien Jean-René Roy. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine avec d'autres histoires de science. Et pour le moment, eh bien, c'est l'heure de poursuivre votre soirée sur CKRL 89.1 avec Calypso le Moine et En Aparté. Les fées sautillent et la neige tombe. Je sais, je l'ai vu dans les traces de leurs pas. J'avais du plomb dans l'aile du jour. C'est les petits doigts qui me l'ont dit, qui m'ont relevé le soleil qui tombe dans les enfargements du monde. C'est une paire de trois pommes qui m'a ramanché l'horizon, filtré l'aurore et les fantômes dans les prunelles de grands yeux neufs. Je pensais avoir fini, je pouvais grandir encore. Les fées sourient et la neige rigole. Je sais, je l'ai lu dans les courbes de leurs joues. Sortie la vieille boîte de crayure, à s'aiguiser les mêmes de rien, à colorier dans la lumière, à dépasser la ligne des ombres. Ça fait un germe dans l'espérance, ça tire la bonne graine de l'hiver, à rallonger les heures du jour, à cueillir les étoiles filantes. Quand la noirceur viendra, on chantera encore. Les fées existent et la neige est rose. Je le sais donc, elle m'appelle papa.